mboka leli ye mwana mboka aponi ye mwana mboka leli ye aponi ye des evutos King Dave dans les buildings. Pour les cons, G-Soldiers battre des buildings. On y croit. Et brain joie, cette chanson fera bouger le monde, fera les tours du monde, le monde sera tel une bombe. On y croit. J'irai le Congo, la paix dans ma poche. J'irai le Togo, la jazz dans mes poches. J'irai jusqu'à Poto, parole dans ma bouche. Crier la paix dans le monde, ma voici les sons. Ce do you believe, Adef King. Listen-moi, c'est I'm la last king. Même si la haine, tout n'est pas la cause, on y croit. La vie est trop dure, maman, on y croit. Et si t'as trouvé, on t'appelle sorcier, on y croit. Ah, on y croit, même si la haine, tout n'est pas la cause, on y croit. La vie est trop dure, maman, on y croit. Si t'as trouvé, on t'appelle sorcier, on y croit. Ah, on y croit. La vie, c'est dur, c'est sûr. On y croit, la S nous tient par la gauche bien sûr mais on y va. On tout file le temps de réfléchir encore une fois. Les travails restent des prières à chaque fois. On reste les genoux fléchis en pérant tous les soirs. En espérant que les très hauts écoutera nos voix. Les hommes passent, les choses passent mais on est toujours influencé par la masse. Alors que les temps nous presse dire, on est une vie de misère, de galère. Le bonheur de la vie devient pour nous éphémère. On y croit et on espère au bonheur même si le goût de la vie devient amer. Deviens amer. Même si la haine, tout n'est pas la cause, on y croit. La vie est trop dure, maman, on y croit. Et si t'as trouvé, on t'appelle sorcier, on y croit. On y croit. Même si la haine, tout n'est pas la cause, on y croit. La vie est trop dure, maman, on y croit. Si t'as trouvé, on t'appelle sorcier, on y croit. On y croit. Même si la vie est dure, on y croit. Mais t'en fais pas, petit frère, on lâche pas. On mène une vie de galère, heureuse quoi. Et malgré ça, on n'en vit pas, la rose croit. Je crois qu'un jour mon pays sera plus l'enfer sur terre. Qu'un jour l'Afrique connaîtra plus ses guerres cruelles. Qu'un jour les enfants africains ne mourront plus de faim. Qu'un jour la misère dans mon pays touchera sa fin. Je crois au jour où les tissots feront bouger le monde. Et que nous ferons des thunes avec nos pourcents. Une pensée à tous nos fans qui n'ont plus le goût de la vie. Perdez pas espoir, on y croit. Même si la haine, tout n'est pas la cause, on y croit. La vie est trop dure, maman, on y croit. Et si t'as trouvé, on t'appelle sorcier, on y croit. On y croit. Même si la haine, tout n'est pas la cause, on y croit. La vie est trop dure, maman, on y croit. Si t'as trouvé, on t'appelle sorcier, on y croit. On y croit. On a prié, on a pleuré. On y croit même si dans la vie, on croit échouer. On a prié, on a pleuré, on y croit même si dans la vie on croit échouer. J'ai trop prié, j'ai trop pleuré, personne n'est venu pour m'aider à m'si. Nique les Illuminati, frimant son rose croix. Dédicace à ma daronne, mon daron. J'en ai fier, et c'est une malade. La vie est trop dure, mamie. La vie est trop dure, mon daron. La vie est trop dure, ma daronne. La vie est trop dure, mais on y croit. La vie est trop dure, Gia. Ok, pour le Bouxer, Zarko Riche, Danny Makombe, Dr. Salé, West Life, avec soif, ça va saigner, sur l'araignée, on va soigner. Soldiers, Blacks of Power.